Qui en 4-4, si ou chaud ou ça point en les 4 pattes. Mon témoin ou monnier ou ka tic tac. Gauche toi de feuille, tiki tiki tac tac. 12, back it up girl. 12, on est ça chaud. 12, si ton bonnet girl. 12, bouche les reins par le dos. C'est la danse des fesses. Où tu te penches et tu bouges la graisse. Laisse-toi aller, oublie tous tes complexes. Prends pas la tête, on est venu pour flex. Baby, one stop on the beat. My girl, you so fantastic. Wine up, girl, fait jiggle it. Montrez-moi, on est mauvais technique. 12, back it up, girl. 12, on est ça chaud. 12, si ton bonnet, girl. 12, bouche les reins par le dos. Fais 400 gays qu'on pack beau. Pack à conseil, pas pour ma co. Travail fessier et puis cardio. Poupi technique qui Ronaldo. Foutou bien belle ou kawaii. T'es en chéola bien admirable. Toutes les bouga kapete cap. Les ou kawaii c'est un big cap. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Talk sur la basse. Baby girl, vas-y, talk sur la basse. Talk sur la basse. Foutou belle ou kawaii, n'est pas classe.